Ok, merci. Maintenant, avant de vous laisser... De toute façon, je crois que vous avez déjà raté le dernier RER. Il est trop tard pour entrer. Et attends, Cambouis, est-ce que tu connais le morceau qui s'appelle Jeunesse de France? Tu le connais? Tu connais le principe? Tu connais le principe? C'est bon? Bah ok, on va essayer de le faire ensemble. Alors, on y va. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est Allez les gars. On n'a pas répété ce morceau-là. Non, ça, c'est en France. C'est pas ça qu'on... C'est pas ce morceau-là. Non, ça c'est princesse de la rue. Ok, jeunesse de France. Que bientôt on va remettre un ancien morceau au goût du jour et au répertoire. Et ce morceau c'est comme ça. Ouais c'est nous, l'espoir de la nation. Ouais c'est nous, la ruine de la nation. Tous les gens comme toi et moi forment. Ouais, bientôt on va répéter ça pour la prochaine fois. Puis on va aussi faire ce morceau qui s'appelle Il y a une fille dans la rue, elle fume une cigarette, ouais. Je lui demande si elle est seule, elle me répond ta gueule. Elle me dit qu'elle n'aime pas servir de garage. Elle me dit qu'elle n'aime pas les salauds de mon âge. C'est pas bon pour moi ce soir, j'ai pas la cote avec. Peut-être que demain. Ouais mais ça c'est ok, c'est demain. Ce soir c'est pas ça le morceau, ce soir c'est Jeunesse de France. On y va. Ouais. Jeunesse de France. On y va. Jeunesse de France, toute armée d'espérance. Jeunesse de France, t'auras peut-être de chance. Jeunesse de France, même si perdu d'avance. Jeunesse de France, tu prendras ta revanche. Jeunesse de France, de partout et d'ailleurs. Jeunesse de France, la pire et la meilleure. Jeunesse de France, l'irresponsable. Jeunesse de France, incontrôlable. Jeunesse de France, toute la beauté du diable. Jeunesse de France, la plus belle des Iraouais. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Assis au fond du bus sur la banquette orange, le reste du monde te paraît bien étrange, ouais. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Jeunesse de France. Descends, Mathieu, descends. Ok, mettez la pression, Rico, là, mettez-lui la pression. Plus fort. Ok. Vas-y, Boris. Mets le paquet, vas-y, Boris, ouais. Jeunesse de France, ensemble. jeunesse de France. Ouais. Jeunesse de France, pas la leur mais la tienne. Hey. Jeunesse de France, pas la leur mais la tienne. Ouais. Jeunesse de France, merci.